m'a dit y a trop de délinquants qui veulent monter d'un cran. Tu kiffes comme cet officier qui démantèle un clan. C'est la misère et on veut s'en sortir. Tu parles d'un monde qui serait meilleur, pourtant en ce moment le sang sordide. Que dire à l'idée de vivre dans un climat vénéneux? Les miens sont fainéants et les plus jeunes deviennent haineux. Ça s'embrouille à tout va, on se demande ce que nos atouts valent. Ça dégénère partout, dis-moi comment dire après ça tout va. C'est plus un scoop quand les soucis s'accumulent, quand les délires s'accommodent. À la vue, job s'accumule. C'est la mer, eh. Et nombreux sont les soirées tendues. Nombreux sont ces raclos qui veulent que leur nom soit répandu. Aujourd'hui tu veux anéantir un trait, mais n'oublie surtout pas que c'est sur ton avenir que tu tires un trait. A force j'ai conclu que c'est l'état qui nous endoctrine. Imposteur, comment parler de vous en doctrine? Dans notre quartier on est loin d'être des phénomènes. Une pensée à nos aînés, à l'effort qu'ont fait nos mères. Les faits nous mènent à l'anarchie et ça va durer 40 ans. On m'a dit sois un artiste, fais de la musique sans entendre. Éteins ta télé, les médias t'apprivoisent. Même tu trembles, hey, tu flippes, mec on dirait que t'as pris froid. Mec, on dirait que t'as pris froid, pris froid. Avant qu'on s'aime, ici on s'arme. On aime la paix, mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. Avant qu'on s'aime, ici on s'arme. On aime la paix, mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. Les gens de mission savent avant qu'on s'aime, ici on s'arme. Symptôme, c'est de mujahiding. En mission sabre dans cette vie où c'est à faire RER, métro, bus. Un seul conseil, même si ça te vénère, et l'air d'être au plus. Nous on évolue entre les flingues, les jeunes qui se distinguent, entre le peu d'hommes bien qui se distinguent. Chez nous les princes de nos vies, le sang couronnesse. Faut être un fort avant de grandes couronnesse. D'ailleurs salut tous les mecs du ghetto encore honnêtes. Violent comme on bac, le bitume c'est le chant du diable et on le bac. Et on s'arme parce que ta rust pour certains est horrible. Parce que je trouve ce conflit pour cette terre sainte horrible. Pour plus personne ne confond Hitler et Versailles chez Torix. On me dit oublie les vinyles et reste en bas. Une fois fini tes rêves t'en bave. Va du rocking, c'est pas fictif, je connais tout un Amadkassi. Je vis dans l'horreur, les petits sautent du toit sans être des Yamakassi. J'écris ces vrais des lettres et des mots tristes. Fatigué par les CV et les lettres de mots de chiffres. Les hommes sont vaniteux et donc s'anéantissent machinalement. Si Lucifer se battait contre le roi qui gagnerait le match finalement, non tu s'appelles. Moi je jurais pas d'elle contre Arbour. J'admirais le duel. Avant qu'on s'aime, ici on s'arme. On aime la paix mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. Avant qu'on s'aime, ici on s'arme. On aime la paix mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. Je représente comme l'équipe de Domenech contre l'Allemagne. Ça paraît logique comme dire que le bien combat le mal. Aujourd'hui la guerre devient presque un art moderne. Illogique comme croire qu'on défendra en offrant nos armes modèles. On s'arme et l'amour devient un intérim. Même si tu trouves bien Cyrine, je chante pour qu'on découvre son intérim sur terre. Loin d'un rêve d'un monde de flambant neuf. Égaré, je m'en retrouve comme un playboy sans plan meuf. Dans les quartiers chics, on a cessé de parler de rage. Être silencieux, c'est inutile comme un graffeur qui a pas d'étrage. C'est par les trains, par les trains, par les trains. De ville en ville, on aime le cul un peu comme tous. On aime les strings, les vies en file. La haine est présente, plus qu'omniprésente. Quand les flics pressent, stressent, les hommes méprisants. Méprisant frère, impuissant devant ces mises en scène. Mon visage terne, conséquence de 10 ans de haine. Avant qu'on s'aime, ici on s'arme. On aime la paix, mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. On s'aime ici on s'arme. On aime la paix mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même. Avant qu'on s'aime ici on s'arme. On aime la paix mais on préfère la guerre. On aime quand les poteaux évitent de faire la gueule, c'est faire l'acteur. Faire l'acteur. Faire se mentir à soi-même si la vie est un désert. Alors on est tous à soi-même.